Le gazonnement bat son plein dans le chantier de construction de l'avenue Dieumyeon. À partir du 5 dernier, la ville de Pyongyang a procédé aux travaux pour ainsi couvrir plus de 120 000 m² jusqu'à présent. La ville avait ensemencé partout dans la capitale sur plus de 170 000 m² et les a cultivés avec un sens de responsabilité pour fournir à temps des plants de pelouse nutritifs. Les scientifiques de l'Académie nationale des sciences approvisionnent en diverses solutions nutritives favorables à l'enracinement et à la croissance accélérée.